arrêter de mentir. Elle me dit qu'un jour vaut mieux partir. Elle me dit de sa voix qui rit, de sa voix qui ne tremble pas. Elle me dit quand je suis toute seule avec toi, je pense à un autre. Quand je suis toute seule avec toi, je pense à un autre. Puis elle se tait, elle me sourit. Elle sourit comme sa voix qui rit. Je la regarde un peu étourdie. Je ne ris pas, mais encore elle me dit quand je suis toute seule avec toi, je pense à un autre. Quand je suis toute seule avec toi, je pense à un autre. Elle pose sa main sur mon front, comme sa main est chaude, comme mon front est froid. Elle pose sa main comme pour savoir si je ne vais pas crever d'une quelconque fièvre. Quand je suis toute seule avec toi, je pense à un autre. Quand je suis toute seule avec toi, je pense. Je ne vais pas crever. C'est bien de ne pas penser à moi quand je suis là avec toi.